Alors, elle conta que l'avant-veille, Arnoux n'avait pu payer 4 billets de 1 000 francs souscrits à l'ordre du banquier et sur lesquels il lui avait fait mettre sa signature. Elle se repentait d'avoir compromis la fortune de ses enfants. Mais tout valait mieux que le déshonneur. Et si M. d'Ambreuse arrêtait les poursuites, on le paierait bientôt, certainement, car elle allait vendre à Chartres une petite maison qu'elle avait. Pauvre femme, murmura Frédéric. J'irai, comptez sur moi. Merci. Et elle se leva pour partir. Oh, rien ne vous presse encore. Elle resta debout, examinant le trophée des flèches mongoles suspendues au plafond, la bibliothèque, les reliures, tous les ustensiles pour écrire. Elle souleva la cuvette de bronze qui contenait les plumes. Ses talons se posèrent à des places différentes sur le tapis. Elle était venue plusieurs fois chez Frédéric, mais toujours avec Arnoux. Il se trouvait seul maintenant, seul, dans sa propre maison. C'était un événement extraordinaire, presque une bonne fortune. Elle voulut voir son jardinier. Il lui offrit le bras pour lui montrer ses domaines, 30 pieds de terrain, enclos par des maisons, ornés d'arbustes dans les angles et d'une plate-bande au milieu. On était au premier jour d'avril. Les feuilles des lilas verdoyaient déjà. Un souffle pur se roulait dans l'air et des petits oiseaux pépillaient, alternant leurs chansons avec le bruit lointain que faisait la forge d'un carrossier. Frédéric alla chercher une pelle à feu et, tandis qu'il se promenait côte à côte, l'enfant élevait des tas de sable dans l'allée. Madame Arnoux ne croyait pas qu'il eût plus tard une grande imagination, mais il était d'humeur caressante. Sa sœur, au contraire, avait une sécheresse naturelle qui la blessait quelquefois. Cela changera, dit Frédéric. Il ne faut jamais désespérer. Elle répliqua. Il ne faut jamais désespérer. Cette répétition machinale de sa phrase lui parut une sorte d'encouragement. Il cueillit une rose, la seule du jardin. Vous rappelez-vous un certain bouquet de roses, un soir, en voiture? Elle rougit quelque peu, et, avec un air de compassion railleuse, ah, j'étais bien jeune. Et celle-là, reprit à voix basse Frédéric, en sera-t-il de même? Elle répondit, tout en faisant tourner la tige entre ses doigts, comme le fil d'un fuseau. Non, je la garderai. Elle appela d'un geste la bonne, qui prit l'enfant sur son bras. Puis, au seuil de la porte, dans la rue, Madame Arnoux aspira la fleur, en inclinant la tête sur son épaule, et avec un regard aussi doux qu'un baiser.